Maintenant, tiens, il nous reste juste assez de temps dans la première heure pour y aller avec un segment qu'on a oublié de faire hier. J'ai complètement oublié de faire un instant classique édition palmarès hier. Wow. Ah, allons-y. Un instant classique. Voici les meilleurs moments des palmarès. C'est fou pour les semaines du 28 février, du 28 janvier, pardon, et du 4 février 2013. Plus logique comme ça, je pense. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, Maxime Tanguay ne sera pas avec nous du tout. Ah! C'est triste. Désolé de vous l'apprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? La triforce est brisée. C'est une biforce, bicurieuse force. On va-tu avoir du fun pareil, tu penses? Sinon, ouais, tu sais, ce sera comme l'émission, c'est un petit peu, à la place d'être si fou, ça va être si mou, là, tu sais. L'émission, c'est un petit peu mou, là. Mou, mou. Je trouve pas que ça fait comme, tu sais, une vache fraîchier. Ouais. Mou. Je m'excuse, mais MU. Ouais. On a 11 nouvelles entrées. C'est toi qui les as comptées tantôt, donc je te fais confiance. Oui, j'ai. Mais je suis pas certaine parce que moi, en fait, j'ai 10 doigts. Oui, vrai. Donc, une fois passé 10, j'ai un peu plus de difficultés. Les doigts d'orteil sont cachés par tes souliers. Ça... Des doigts d'orteil? Les doigts de pied. Ah, j'essaie de faire mon français fraîchi. Mes doigts de pied ou orteil. On a trouvé une bille par terre tantôt. Ah, c'était le même vintage. Objet perdu, si quelqu'un veut récupérer sa bille, si quelqu'un veut que je lui touche la bille, c'est vraiment comme vous voulez, est-ce que j'ai vraiment dit ça? Justement, j'étais en train de jouer avec et de la rouler entre mes doigts, donc si vous voulez venir la chercher, c'est le temps. Wow! Que de la crème. La crème. La graine, comme tu veux. Ça oui. De hit. Mou. Mou. Dans le genre de mou. C'est une vache qui est meilleure que les autres fancy. Hein? Le clairement une tache autour des yeux en forme de lunettes de hipster et un foulard en tache noire de... Ah, je l'imagine tellement. J'ai trouvé une scène. Et voilà. Et là, je vais me retenir pour celle-là. Vous pouvez imaginer où ça a pu aller, cette conversation. En ronde, on l'a dit. En onde, on se ressent. Maxime Tanguay n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Ah! Ah! On est la bille Bambi. On l'a Bambi. Ah, oh, Bambi! La Bambi! C'est cute. Très cute, mais c'est triste. C'est ça, la mère meurt à la fin. C'est ça. Oups, hey! Oh non! Je viens de spoiler un spoiler des années, je sais pas combien. J'espère que ça va pas mal finir comme ça, notre histoire, nous autres ici, notre palmarès. Hein? Peut-être que Maxime est mort déjà, puis on le saura pas avant la semaine prochaine. Ou il va nous le dire. Non, c'est mort. Ouais, il va sûrement nous texter tantôt, dire désolé, je reviendrai pas, je suis mort. Stéphanie est notre correspondante à l'international. Oui, je me fais livrer entre chaque bloc de chansons. Comme une poutine. Je suis pleine de timbre. Oh, t'as été liffé. Partout. Oh, me semble sans Maxime. Il nous l'a dit tantôt, quand il m'avait écrit, je viendrai pas, désolé, Max Whitlove. Bon, j'ai répondu, ah, c'est pas grave, on parle de toi pareil. Fait que c'est comme si c'était là. Il a dit, ah, ha, ha, une chance, et tant mieux, et merci. C'est vraiment pas ça qu'il a dit. En fait, je devrais aller voir le message, c'est tellement pas ça qu'il a dit, je le cite vraiment incorrectement. C'était, yeah, je vous embrasse. Ah, moi, c'était pas une citation du tout. Non, j'ai paraphrasé tellement. Qui peut ne pas aimer Justine? Rappelle-moi ton champ d'études. Les mathématiques? Non, il faut pas que je dise ça, parce qu'après ça, vous allez me faire compter qui a descendu et monté de combien de places, et je pourrais me faire avoir avec ça. Est-ce que tu fais encore des petits dessins sur ta feuille pour te dire combien ça monte? Puis de... Non. Non? C'est fini? Non, j'ai arrêté ça. J'ai décidé d'y aller avec l'instinct. L'instinct maternel, c'est le niveau où t'es rendu en mathématiques. L'instinct maternel, c'est bon. C'est à peu près ça, en fait. On n'a jamais trop de David Perron. Et voilà, c'est comme notre vitamine Ferron. C'est pas une vitamine qu'on dit. Vitamine F. F, c'est quoi le fer? Le fer. Oui, le fer. C'est pas une vitamine, ça. C'est un minéraux. Un minéraux, bon. Un minéral. C'est un minerai. Ah! Bill ou T-Bird? Bill T-Bird. On fait dans les langues étrangères aujourd'hui, si je comprends. Oui, c'est ça. Et les exorcismes plus tard. De qui? Aha! Avec ton collègue et comparse et ami Jean-René Boutin. Exactement. Voilà. Surnommé Cocotte. Oui, que par tout le monde. Mais oui, pour vrai, en fait. C'est bien ça le pire. Je pense qu'il y a des gens encore qui savent pas c'est quoi son vrai nom. Ah. Ils savent que c'est le gars aux cheveux poivre et sel. Qui s'appelle Cocotte. Mais... Il y a aussi les cheveux poivre et sel, bon. Oui. Ah oui. C'est ça y va vraiment bien. Ah ben oui, c'est beau. C'est tellement mâle. C'est un sugar daddy. Mais pas d'âge, juste de cheveux. Et pas d'argent non plus. Et pas d'argent. A simple answer. Grizzly Bear. Oh. Grizzly Bear, c'est le surnom aussi de Jean-René Boutin? Ben, écoute, sa tête est grise, l'hiver. Grizzly. Oh. Elle est grise l'hiver. Oh, quand il neige. Tape dans la main. D'ailleurs, tes cheveux, Mathieu, c'est très beau. Hey, merci. Revenons pas sur ma coupe de cheveux. Les yeux sont très beaux. Ah, merci. C'est plus court. Vol au vent. Oui, ben oui. Ben, avec la sauce. La sauce à vol au vent, comment? D'ailleurs, avant que je parte, Alex, ça m'a dit bonne journée, mon petit poulet. On va entendre Fox de Karim Ouellet. Ben oui. Mais pas comme à l'école, là. Tu veux dire comme Fox, c'est un cours? C'est pas ça, là. Donc, on va rappeler c'est ça comme pas beau de faire ça, c'est vraiment pas on beau. On va rappeler ça. La chanson buissonnière de. Ben oui. Karim Ouellet. De la traduction buisson. Exacte. Je suis même, moi, je suis comme Google Translate. Ça donne tout le temps de la merde. On va-tu avoir des gags aussi? Eh, je sais pas, je suis pas vraiment un grand scripteur, moi. Hein, ah. J'ai un improvisateur en studio, toi. Un bon public, moi et Stéphanie. C'est ça. On rit pas mal à rien. Fait que, ouais, ben heureusement. La pression est pas trop. Wow, quel rire charmeur! Sais-tu ce que je pense qui arrive? Sais-tu ce que je sais? Hein? C'est ça ce qui arrive? Les chemises sèches, la sèche, Jésus ou pas chez les achets? Ça, je connais pas celle-là. Non. Moi, la religion, tu sais. Ben écoute, c'est pas mal tout ce que je connais de l'histoire, là. Je crois plus aux chemises. De l'archie sèche, il paraît que c'est du spaghetti. Jésus? Ouais. Dans ses mains, quand on l'a percé sur la croix, c'est non, du non, quand Zaché est allé souper chez je lui. Je pensais que c'était du steak haché. Non. D'ailleurs, du steak haché. Du steak haché. Et très bon. Non, c'était pas ça, c'était du spaghetti. Celle que Steph a aimé, c'était de la lavande. Mais je sais pas où m'en procurer, je sais pas où ils la vendent. Ça, c'est un peu bas de gamme, un peu. C'est bas de gamme. Ça dépend du jour où tu fais cette blague-là. Tu sais, mettons, la vendredi. La vendredi. Le vendredi, c'est pas bien. Ça marcherait, ça. Ben, souvent, c'est dans la période de la vendange. Oui, tout à fait. Profite du moment pendant qu'on a l'avant dans les voiles. L'avant dans les voiles. De toute façon, tu peux rester dans ton coin et préparer la vengeance. La vengeance. Oh, la vengeance. Tu peux préparer ma vengeance. Tabarouette. C'est sportable. Train ça de tirer le coyote. Mais je me demande, est-ce qu'il tire une chaîne ça sur le coyote? Oh, est-ce qu'il tire une balle sur une chaîne ça? Ou est-ce qu'il tire un coyote sur une chaîne ça? Ou est-ce qu'il utilise un coyote avec sa queue comme... C'est ça? Est-ce qu'il coupe un arbre avec un coyote? Peut-être, avec ses dents. Peut-être. T'sais, tu le crains un peu, là. Ma grand-mère me disait tout le temps, à coyote affûté, On est futé. On regarde pas la vue. Éloigne le docteur pour toujours. Voilà. C'est trois choses en même temps. Non, moi, je pense que c'est. Je pense que la vie finale, c'est. Tu sais, le coyote, ça veut dire qu'il tire sa queue, tu mets la main dedans, puis il l'utilise comme une marionnette. Ouais, c'est ça. Ça. D'ailleurs, les mopettes sont les mêmes. Là. Voilà. Ouais. Coyote, mopette, ça rime. Ouais. Pas exactement, mais. Un petit piano, les gars? C'est pas un piano, c'est du piano. Piano. Du piano. I can piano satisfaction. C'est pas ça. Il est bon, hein? Tu sais, musique rock classique. Je connais ça. L'étiquette de Vidéoville, il y a la position numéro 15 francophone, c'est Polly Pulse. Donc, ça nous a amené sur d'autres sujets, polyglotte. Et là, on a remplacé une lettre dans polyglotte par un P. Devinez laquelle? Polly. Ouais. OK. On se trouvait bien drôle, tu sais. Comme, par ici, s'il vous plaît. Oh, un merci. Très, très poli. La glotte. C'était les meilleurs moments des Palmeurs assez fous pour les semaines du 28 janvier et du 4 février. Qu'en penses-tu, Jean-Philippe? Polyglotte. Polyglotte. Avec un P à quelque part là-dedans. Oui. Ben, qu'est-ce que j'en pense? Polyplop. C'était de la classe. Bref, écoutez les Palmeurs assez fous les jeudis après-midi entre 15h et 18h. Ça repasse les vendredis à 17h et les lundis à 14h. D'habitude, on joue le lundi pour que vous puissiez réentendre la version complète en après-midi. On l'a pas fait hier, donc on s'excuse. Sorry! Justement en train d'essayer de trouver un bon jeu de mots. Là. Je ne sais pas si tu vois mes yeux rouler. Ouais. T'as le temps encore. Là. Non-instant. Non-existant. L'unestant, c'est pas un pays, le non-instant. Non, mais je voulais dire non-obstant. Non-obstant. Ça aussi, c'est un pays, je pense. Ouais. À côté de l'Ouzbékistan. À côté. Ça. Donc, voilà pour un instant classique édition palmarès. On fait ça aux deux semaines ici. Assemblage requis.